Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Antigone. Merci à tous d'être avec nous dans votre grasse matinale week-end, la case du soir avec vous jusqu'à midi. Je vous accompagne avec de l'info, de la très bonne musique, ainsi que de la bonne humeur. Voilà, je vais essayer de vous faire passer un bon moment. On a de très bonnes chroniques qui arrivent, de la musique comme d'habitude. Alors tout d'abord, dans 20 minutes, nous allons parler économie avec Dominique Bayard. Et nous parlerons de la demande de rachat de la marque Tiffany par LVMH, qui est un petit peu perturbée, même plus qu'un petit peu perturbée. Dominique nous expliquera tout. Les actus des médias nous emmèneront à Roland-Garros qui arrive, qui ont été décalés à cause du Covid-19 et qui seront bien sûr diffusés sur les chaînes de France Télévisions comme chaque année. Nous aurons les actus du numérique et là nous parlerons de montres. Bref, un très beau programme, je ne vous dis pas tout, hein. Vous allez voir, vous allez découvrir petit à petit, il y a plein d'autres choses, de la très bonne musique que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vous présenterai un petit peu le programme musical, mais là aussi vous allez vous faire bien plaisir. Pour l'instant, vous êtes avec nous et vous avez bien raison, il est 10h. Ah, ça ne part pas, très bien, il est 10h. Radio Antigone. Radio Antigone, la radio à vif. Merci d'être avec nous. Donc, on écoute de la musique dans quelques instants. Et bien sûr, comme tous les jours à 10h, voici votre radio-journal de nos partenaires RFI. Au Mali, la charte sur la transition adoptée hier soir, mais elle ne fait pas l'unanimité. Le M5 RFP à la pointe de la contestation contre le président déchu dénonce une confiscation du pouvoir. Des manifestants sans masque dans la capitale polonaise, Varsovie, hier pour dénoncer les mesures sanitaires. Au Japon, 3 candidats pour succéder à Shinzo Abe. Le Premier ministre a démissionné il y a 2 semaines pour raison de santé. Et puis du football, ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille pour la 3e journée de Ligue 1. Au Mali, la junte s'engage sur une transition de 18 mois. Après 3 jours de discussion, la charte a été adoptée hier soir à Bamako. Le texte charge la junte de former un comité qui désignera un président civil ou militaire pour diriger le pays pendant cette période. Le document prévoit aussi la création d'un Conseil national de transition, un organe législatif de 121 membres répartis entre le M5, les partis politiques, les journalistes, la société civile, les religieux, mais aussi la diaspora, les jeunes et les femmes. Il y aura également un Premier ministre à la tête d'un gouvernement de 25 membres. Une charte adoptée par acclamation, mais elle est déjà fermement rejetée par le mouvement du M5 RFP. Le principal mouvement de contestation contre le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, dénonce une confiscation de la transition. À Bamako, les explications de Serge Daniel. Ce n'est pas encore peut-être la rupture définitive entre la junte et le M5, mais comme le dit Choguel Maïga, président du comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, c'est un coup de semonce, une mise en garde aux militaires qu'ils revoient leur copie. La charte rendue publique après les journées de concertation ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien, précise un communiqué officiel du M5 qui fourmille de détails. Par exemple, au lieu d'un civil ou d'un militaire à la tête de la transition, le choix majoritaire lors des concertation est d'avoir un civil selon le M5. Même chose poursuit le document pour le Premier ministre de Transition. Il y a des rajouts à la charte qui n'ont pas été soumis à débat, ainsi que la non-prise en compte de manière unilatérale de nombreux autres points poursuit les opposants. En conséquence, le M5, Rassemblement des forces patriotiques, dénonce ce qu'il appelle les intimidations, les pratiques antidémocratiques et déloyales dignes d'une autre époque contre lesquelles la lutte pour le changement et la refondation a été déclenchée. Le mouvement du 5 juin enfonce le clou. Selon lui, la junte a une volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir à son seul profit. Serge Daniel, Bamako, RFI. Un brouillard de fumée, des villes dévastées par les flammes aux États-Unis, de violents incendies continuent d'embraser l'ouest du pays. Au moins 27 personnes sont décédées. Le président Donald Trump se rendra en Californie demain pour prendre la mesure de ces feux de forêt. Nous ne permettrons plus un nouveau confinement. Voilà le message des manifestants polonais hier devant le Parlement. Près d'un millier de personnes a défilé dans le centre de Varsovie pour protester contre le port du masque et les autres restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Officiellement, près de 75 000 personnes ont contracté le virus en Pologne et plus de 2 000 d'entre elles sont décédées. Des chiffres plus faibles qu'en Europe de l'Ouest, mais les restrictions sont presque les mêmes. à Varsovie. Reportage de Damien Simone. Devant le Parlement, quelques centaines de manifestants scandent à l'unisson « Enlevez vos masques ». Visages découverts, serrés les uns contre les autres, ils sont là pour dire stop aux restrictions imposées depuis 6 mois. Elisa, 26 ans, est très remontée. Je ne veux pas que le gouvernement me contrôle. J'ai ma propre volonté. Je connais mes droits et la situation actuelle bafoue nos droits en tant que citoyens libres. Je suis là aussi pour convaincre d'autres personnes d'enlever leur muselière et se battre pour leurs droits, pour la Constitution. Outre les politiciens, les médias sont la principale cible des manifestants. Ces derniers ont défilé devant les deux principales télévisions polonaises pour dénoncer, selon eux, les mensonges propagés pendant l'épidémie. Krzysztof, ouvrier du bâtiment, ne regarde plus les JT. Il y a plus de 1000 personnes qui meurent chaque jour en Pologne du cancer, de complications médicales, des accidents de la route ou encore d'accidents de la vie. Alors quand j'entends que 12 personnes sont mortes un jour du Covid et que c'est un virus mortel, les bras m'en tombent. Les organisateurs ont annoncé de nouvelles manifestations la semaine prochaine, au moment où le Parlement polonais devrait voter de nouvelles restrictions. Damien Simonard, Varsovie, RFI. Les anti-corona ont également défilé dans les rues de plusieurs villes allemandes hier et notamment à Munich où 10 000 personnes se sont rassemblées selon la police. Des manifestantes arrêtées brutalement par les forces de l'ordre hier à Minsk en Biélorussie. Plus de 40 femmes interpellées selon une ONG alors qu'elles protestaient contre les violences policières. Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui à l'appel de l'opposition pour demander le départ du président Alexandre Loukachenko. C'est la fin d'une ère au Japon. Un nouveau Premier ministre doit être désigné demain après la démission de Shinzo Abe pour raison de santé. Après avoir battu un record de longévité, presque 8 ans à la tête du gouvernement japonais, son parti, le PLD, doit lui trouver un successeur pour la fin du mandat qui court jusqu'à l'automne 2021. Ce candidat sera ensuite confirmé mercredi par l'Assemblée nationale. Parmi les 3 candidats, le favori est de très loin. Et Yoshihide Suga, un proche de l'ancien Premier ministre, Valérie Niquet, est responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Suga, c'est la continuité, puisque c'était le bras droit de Abe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne vient pas du tout du sérail politique, ça n'est pas un héritier, c'est un fils de fermier du Tohoku, qui était une des provinces les plus pauvres initialement au nord du Japon. Donc il a un côté ancré dans la réalité qui ne déplaît pas finalement à l'électorat japonais. Ishiba, lui, c'est un ancien ministre de la Défense qui essaye de se différencier depuis assez longtemps en s'opposant très fortement à Abe, mais qui partage les mêmes positions que Abe, notamment sur la politique étrangère, qui est très ferme sur les enjeux de stratégie extérieure, notamment à l'égard de la Chine. Et sur la révision de la Constitution, lui aurait aimé aller encore plus loin que ce que proposait Abe. Kishida, lui, est un ancien ministre des Affaires étrangères. Il est réputé être plus souple ou ouvert ou en tout cas plus proche de ceux qui aimeraient une normalisation, par exemple, des relations avec la Chine, même si aujourd'hui les difficultés avec Pékin font qu'il n'y aurait pas de bouleversement radical. Des propos recueillis par Christophe Paget. En Nouvelle-Calédonie, la possible fermeture d'une usine de nickel inquiète. Le groupe brésilien Vale exploite un important site dans l'archipel adossé au gisement de Goro dans le sud calédonien. Mais il souhaite s'en séparer, un site trop coûteux en termes d'investissement et de maintenance. Mais cette décision s'explique aussi par un environnement pas très accueillant selon le groupe. À moins d'un mois d'un second référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, une piste de rachat est tombée à l'eau cette semaine. Syndicats et élus locaux s'inquiètent des conséquences économiques que pourrait avoir la fermeture du site, comme l'explique Sonia Bakes, la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. C'est très important parce que c'est 3000 familles en fait, qui vivent de l'usine, d'une part, et d'autre part, notre système de protection sociale serait en grave difficulté si en fait on avait toutes ces personnes-là au chômage, qui du coup ne cotiseraient plus ni pour le régime chômage ni pour l'assurance maladie. 3000 emplois à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est extrêmement important. C'est à peu près 5% de l'emploi salarié qui serait remis en cause avec la fermeture de cette usine. On fait tout ce qui est possible, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'entreprise pour essayer de trouver un repreneur. On a l'un des plus beaux massifs du monde avec des ressources qui sont assez incroyables et qui sont encore en grande partie inexploitées. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est une entreprise qui a perdu de l'argent depuis 10 ans. Et donc c'est compliqué de prendre le risque, mais je pense que on a tout intérêt à maintenir cette usine à flot. On a plusieurs pistes très intéressantes avec effectivement des partenaires internationaux et des producteurs de batteries qui sont intéressés par la production qui serait faite par Vale NC. On a des partenariats avec un certain nombre d'entreprises internationales. On a un travail également sur la participation des salariés. On travaille sur la participation des Calédoniens globalement d'une manière générale. Sonia Bakès, joint par David Bachet en football. Troisième journée de Ligue 1, un classico au programme PSG-OM. Deux clubs rattrapés ces dernières semaines par la situation sanitaire. Antoine Grenier. Si leur état de forme reste incertain, 10 jours après un contrôle positif au coronavirus, leur retour à l'entraînement fera plaisir du côté de Paris. Keylor Navas, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar, 4 atouts supplémentaires dans la manche de Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand, soucieux après la performance de son équipe à Lens, un PSG amoindri, dominé et finalement battu par un promu. Un résultat inconcevable face au rival marseillais, lui aussi privé d'éléments importants comme le milieu de terrain Morgan Sanson et le latéral Bounassar. L'OM en confiance après son succès arraché à Brest il y a 2 semaines, mais qui reste surtout sur 9 ans d'échecs contre les Parisiens. 20 matchs sans victoire, notamment ce 4-0 d'octobre 2019, la dernière confrontation en date. Kylian Mbappé et Mauro Icardi avaient inscrit chacun un doublé pour une claque supplémentaire qui avait perpétué la série. Les deux attaquants seront absents ce soir. Peut-être le signe qu'attendait Marseille. L'OM garde l'espoir que cette 98e confrontation, la première depuis le début de la pandémie de coronavirus, ne ressemble pas aux précédentes, car chaque année, Marseille y croit, et chaque année, depuis 2011, Paris brise le rêve. PSG-OM à suivre en intégralité à partir de 19h en temps universel sur RFI. Du cinéma à présent avec La Daronne de Jean-Paul Salomé, l'histoire de Patience, une interprète franco-arabe de la Brigade des Stupéfiants, incarnée par Isabelle Huppert, et qui décide un jour de se mettre à dealer pour gagner sa vie. Elisabeth Le Quéré. À table. Je prends. Patience porte mal son prénom. Elle en a marre de la vie, elle s'ennuie dans son travail. Elle qui, depuis des années, traduit pour la police les conversations entre trafiquants de drogue. Et surtout, Patience a besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour payer la maison de retraite de sa mère. Le jour où elle reconnaît, lors d'une écoute, la voix de l'infirmière qui s'en occupe, elle décide de faire d'une pierre deux coups, sauver celle-ci et récupérer pour son compte une partie du précieux chargement. Sur la tête de ma mère, c'est de la patate de chez patate. Ça fait toujours plaisir hein, quand le client est content du produit. On aura compris que la daronne fait fi de toute vraisemblance. Le réalisateur a dû éprouver une intense jubilation à transformer Isabelle Huppert en chef de gang, imposant sa loi dans les bas-fonds, tout en observant ses collègues policiers qui cherchent désespérément qui est cette mystérieuse trafiquante aux allures de princesse saoudienne. Jean-Paul Salomé commence son film comme un thriller avant de le faire bifurquer vers la comédie. Isabelle Huppert donne ici la preuve qu'elle peut tout jouer. C'est elle qui donne consistance à ce personnage hors norme et nous fait éprouver un vrai plaisir à la suivre dans son parcours d'apprenti hors la loi. Elisabeth Le Quéré, c'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de RFI de nous avoir proposé ce journal. Prochain point sur l'actualité, c'est tout à l'heure à 10h30, donc dans une vingtaine de minutes avec un flash. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Effectivement, ensemble jusqu'à midi avec dans la prochaine demi-heure. Eh bien aujourd'hui l'économie, je vais vous en parler, on parle de LVMH avec Dominique Bayard, spécialiste économie à la rédaction de RFI. Et puis dans une trentaine de minutes, eh bien il y aura l'éphéméride de tout ce qui s'est passé un 13 septembre et puis les différents anniversaires, les journées mondiales aujourd'hui. Vous saurez tout, c'est dans une trentaine de minutes. Mais avant cela, nous allons écouter de la musique. Il y aura tout d'abord le titre actuel, un titre diffusé actuellement sur toutes les radios généralistes. On va commencer avec Ellie Goulding et Love, Stoke, Slow, Glur, Grenade sur Radio Antigone. Ça arrive dans très peu de temps, hein. Je vous le mets dans 7 minutes, hein. On est tout proche. On va écouter aussi The Prodigy. Ouais, ça bouge un peu. Et puis encore plus, hein, on aura Royce Cop. Ouais, ça, ça bouge un peu moins quand même, mais ça bouge quand même. Vous allez voir, vous allez bien vous réveiller. De la bonne musique encore pendant 2 heures sur Radio Antigone. Je vous parle des autres qui vont arriver petit à petit. Je vous en parlerai au cours de cette émission. Tout de suite, avant de retrouver eh bien notre horoscope, voilà votre horoscope du jour. Je vous propose d'écouter un classique aussi, même si ce n'est pas le classique de la case du week-end. The Virgin, Rich Girl. Girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I tell you everything I know, any little thing I know. I tell you everything I know, any little thing I know. Words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. We walk around pretending. The Virgin sur Radio Antigone, c'était Rich Girl à l'instant. Voici votre horoscope. Et on commence, comme tous les jours, avec les béliers pour qui, eh bien, c'est un peu compliqué, hein. Vous avez connu mieux au niveau amour, votre vie de couple ne sera pas à la fête, malentendu, difficulté de communication et suspicion, il va falloir faire des efforts pour évacuer ces tensions, sans quoi votre situation conjugale pourrait être sérieusement déstabilisée. Les taureaux, eh bien, ça va plutôt bien, hein, pour votre couple. Vous allez entrer dans une phase importante et positive sur le plan conjugal. Au niveau argent, vous serez impulsif et dépensier. Faites donc attention. On passe maintenant aux gémeaux. Eh bien, pas question de vous endormir dans un petit confort tranquille. Vous emploierez à lutter contre la routine niveau amour et vous multiplierez les activités sportives, les loisirs, les déplacements avec votre aimé. Argent, vous allez être obligé de gérer votre budget avec plus de rigueur encore que d'habitude. Les cancers, niveau argent, votre combativité, vous l'emploierez surtout à améliorer votre situation matérielle et au niveau santé, vous allez avoir une grande forme physique aujourd'hui, un excellent moral, on ne voit pas du tout ce que vous allez pouvoir craindre aujourd'hui. Nous passons au lion, prudence sur le plan financier. Les astres risquent en effet de vous jouer des tours. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Niveau travail, vous devriez garder certaines confidences pour vous. En effet, vos activités professionnelles ne concernent que vous. Gare aux oreilles qui traînent. Les vierges, niveau argent, vous allez bénéficier de résultats financiers très appréciables, peut-être même exceptionnels. Et la santé, eh bien, là là là là, rien de grave, hein. Ça se passe bien, rien de très bien, mais rien de négatif non plus, soyez tout de même prudent. On passe aux balances du niveau de ce 13 septembre 2020. Votre énergie et votre vitalité seront en hausse à un point tel qu'elles ne pourraient même à certains moments vous déborder. Et au travail, ne laissez pas vos affaires s'embourber dans la routine. Intervenez énergiquement si vous voulez que tout tourne à votre souhait, à votre convenance. Les scorpions, attention, la lune vous incitera à des dépenses fâcheuses. Vous feriez mieux d'y regarder à deux fois avant d'ouvrir votre porte-monnaie. Et en famille, quelques petits problèmes familiaux possibles. Si vous avez des enfants, il vous faudra les surveiller de plus près et les aider dans leurs études ou leurs sports. Les Sagittaires, la lune vous donnera d'assez bons espoirs d'amélioration de votre standing, surtout si vous êtes du troisième décan. Et au niveau santé, vous allez bénéficier d'une certitude tranquille, d'être protégé contre toute atteinte sérieuse à votre vitalité. Tout se passe donc plutôt bien pour les Sagittaires. Passons au Capricorne. Vous allez devoir faire du sport, oui, mais sans trop forcer. C'est ce qu'il vous faut. Faites de la gymnastique douce, du stretching ou de la natation, mais pas plus. Les Verseaux, une journée charmante vous attend. Vos amours devraient se porter le mieux du monde, voilà. Et au niveau santé, vous mènerez de front plusieurs activités. Voilà, on dirait que vous avez mangé du tigre, les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Au niveau santé, rien de bien important pour vous, hein. Une légère baisse de vitalité, ouais, je la ressens moi quand même. Et niveau travail, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à oublier vos soucis personnels et donc à vous concentrer sur votre travail. Prenez du recul, eh bien, c'est très bien. Moi, je prends du recul en tant que poisson et je me concentre sur le travail pour vous annoncer que c'est maintenant l'heure du titre actuel. Le titre actuel. Un titre diffusé actuellement sur toutes les radios généralistes. Voici Love et Ellie Goulding, Slow Grenade. Help me, my God, it's got mercy. Least I got the best seat, 'cause we put on one hell of a show. Waiting, I just keep on waiting for the final curtain, 'cause I just can't let go of your love. Oh, yeah. Oh, so the day is Ellie Goulding et Slow Grenade sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. Comme chaque week-end, nous retrouvons Dominique Bayard. Et Dominique, officiellement, c'est à la demande du gouvernement français que LVMH renonce à racheter Tiffany. Vexée, la fiancée américaine riposte en justice. Quelles sont les réelles motivations de l'État et du champion mondial de la du luxe? Pardon, du luxe, Dominique. Bien, c'est vrai que cette affaire est peu commune. Cette fois, ce n'est pas pour empêcher le rachat d'un fleuron français, mais au contraire pour limiter son extension que l'État intervient. Car quand le rachat de Tiffany par le champion français du luxe a été annoncé en novembre dernier, on parlait du mariage de l'année. En mettant 14 milliards d'euros sur la table, LVMH s'offre alors sa plus chère et sa plus belle acquisition. Tiffany est une entreprise juteuse qui lui ouvre encore plus grande la porte du deuxième marché mondial du luxe que sont encore les États-Unis. La démarche du ministre des Affaires étrangères intimant au champion mondial du luxe de reporter la noce intrigue. Paris serait donc en train de s'aligner publiquement sur les méthodes américaines, chinoises, en s'immisçant dans la vie des entreprises privées pour régler ces contentieux commerciaux, s'interroge l'économiste Grégory Vanel, l'un des rares experts en commerce international acceptant de donner son avis sur la question. Et Dominique, est-ce que c'est la mise en place d'une diplomatie économique ? Ah, alors attention, on a un problème de connexion avec Dominique. Dominique ! Alors ça y ressemble, mais tout de suite le Quai d'Orsay relativise. Cette lettre confidentielle a une valeur politique, fait savoir une source gouvernementale citée par l'agence Reuters, mais non contraignante. C'est pourtant ce que laisse entendre LVMH. Sur le fond, le porte-parole du gouvernement français assume. La lettre envoyée le 31 août arrive bien en réaction à la taxe GAFA portée par Paris et contestée par Washington. En représailles, en juillet, l'administration américaine a déclenché une nouvelle salve de sanctions commerciales, des droits de douane supplémentaires sur des produits de luxe français qui entreront en vigueur le 6 janvier prochain. Le Quai d'Orsay souhaite donc que LVMH reporte la noce à une date ultérieure, compromette donc un investissement étranger aux États-Unis. Paris ne veut pas se laisser faire. Bruno Le Maire, sur cette taxe, a enfoncé le clou hier. Les Américains ne veulent pas d'un accord au sein de l'OCDE. Eh bien, si le blocage se confirme, l'Union européenne doit assumer seule ce projet de taxes, estime le ministre. En différant le mariage, le Quai d'Orsay, responsable du commerce extérieur, aurait donc un levier supplémentaire pour faire plier les États-Unis. Du point de vue américain, le patriotisme à la française a bon dos. Cette lettre ne serait qu'un prétexte pour marchander. Oui, c'est l'avis de Tiffany, de la presse américaine et aussi d'un expert reconnu du luxe. Car quand l'offre a été faite en novembre dernier, on croyait encore que les ventes de luxe étaient un peu comme les diamants éternels. Mais le Covid est passé par là. Étriant les profits de tous les géants du secteur, les ventes ont reculé globalement de 20 à 30%. Tiffany a souffert plus que les autres. Son chiffre d'affaires a chuté de 37% au premier semestre. Le prix du mariage apparaît aujourd'hui bien excessif. Bernard Arnault, le patron de LVMH, aurait cherché à négocier à la baisse, en vain. A priori, le Français n'a pas trouvé la brèche dans cet accord très bien ficelé sur le plan juridique. Aujourd'hui, il préfère donc jeter l'éponge ou attendre que le marché ne revienne à de meilleures dispositions. Cela pourrait prendre 3 ans. Il devra en payer le prix. Son renoncement expose LVMH à des poursuites judiciaires. Tiffany porte plainte. Il y a de bonnes chances de gagner devant un tribunal du Delaware. À la bourse, l'Américain est déjà le grand perdant. Son action a reculé de 7% hier, tandis que celle de LVMH restait quasiment stable. Merci Dominique pour toutes ces précisions et dans une heure nous retrouverons la deuxième partie de Aujourd'hui l'économie avec David Bachet qui aura en invité un des membres de l'ONG Oxfam qui a publié cette semaine un rapport très intéressant sur les pertes ou les bénéfices des multinationales au temps du Covid-19. En attendant, eh bien, un point sur l'actualité arrive dans quelques instants juste après un petit extrait de The Prodigy. Smack me beam, smack my bitch up sur Radio Antigone. Bienvenue dans votre case du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Smack My Beach Up sur Radio Titan. C'était The Prodigy, extrait de l'album The Fat of the Land de 2012. Merci d'être avec nous sur la radio Avif dans votre case de week-end avec vous jusqu'à midi. Il est 10h32. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Les actus du numérique dans quelques instants et puis de la musique, bien sûr, après un point sur l'actualité, comme toutes les demi-heures. Bonjour à tous, une rentrée en demi-teinte, celle des Gilets jaunes. Ils étaient 6000 en tout à défiler à travers le pays hier, dont 2500 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. L'Intérieur qui a annoncé également le placement en garde à vue hier soir de 147 personnes. Tandis que de son côté, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui a tenté de rejoindre le mouvement parisien, a dû être exfiltré après avoir été pris à partie par des manifestants. On lui reproche sa prise de position contre l'un des leaders du mouvement, Jérôme Rodriguez, qui avait qualifié la police nationale de nazie. Un cap a été franchi hier, celui des 10 000 nouveaux cas positifs à la Covid-19 en l'espace de 24 heures en France. Un chiffre qui s'accompagne d'une augmentation du nombre d'admissions en réanimation. Rappelons que 42 départements sont classés en zone rouge dite de circulation active du virus. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Jean Castex est sorti de son isolement hier après une suspicion de Covid qui s'est avérée négative. Il attend pour demain des mesures des autorités préfectorales de 3 territoires particulièrement sensibles, Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe. Pendant ce temps, AstraZeneca reprend ses tests pour un vaccin contre la Covid au Royaume-Uni. Les essais avaient été mis entre parenthèses mercredi après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un participant. Les autorités sanitaires ont finalement donné leur feu vert pour la reprise des essais. Une tribune parue ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, celle de 70 élus de gauche et écologistes qui demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G à intervenir en France au mois de septembre. Enfin en sport, la 14e étape du Tour de France entre Clermont et Lyon a été remportée hier par le Danois Krag Andersen. Primoz Roglic lui conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, 175 km entre Lyon et Grand Colombier dans l'Ain attendent les coureurs. Départ du Tour à 12h50. Ah, mon micro était éteint. J'ai dit donc merci beaucoup à la rédaction pour ce flash. J'ai dit que nous passions à la météo. La météo qui nous est également proposée par la rédaction. Rebonjour. La météo de ce dimanche 13 septembre. La météo ce sont des de ce dimanche bien ensoleillé journée et ce sont des nouvelles bien ensoleillées jour. La météo de ce dimanche 13 septembre et ce sont des nouvelles bien ensoleillées, journée estivale avec un soleil éclatant et un ciel bleu azur sur l'ensemble du pays. La tendance se confirme au fil des heures, une après-midi toujours très ensoleillée, peu, voire pas de vent et surtout un mercure agréable. Le matin 10 à 17 degrés pour les minimales, jusqu'à 28 degrés dans le Grand Est, 29 dans le centre Val-de-Loire, 30 degrés en Nouvelle-Aquitaine, 31 degrés en PACA et 32 degrés en Occitanie. Voilà pour cette météo. Merci à la rédaction que l'on retrouve dans 30 minutes avec un nouveau flash et une nouvelle météo, bien sûr. Bon, vous savez tout, hein. Voilà, vous saurez tout de l'actualité comme tous les jours. Alors, les actus numériques qui vous parlent de montres arrivent. La case des médias, les actus des médias, ça arrive aussi. On aura de la bonne musique, ça je vous en reparle. On aura du Radiohead, The Shoes. Ça arrive dans les prochaines minutes après Royscope, Never Elite, Ever, pardon. Royce Cop, Never Ever sur Radio Antigone, et dans quelques instants, dans quelques minutes, nous allons écouter un classique avec Sweet Dreams et Eurythmique. Vous allez vite connaître, hein, vous allez reconnaître, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous connaissez, ça sera le classique de la case de week-end, du week-end. Radiohead arrive dans les prochaines minutes, également après les actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Et je vous parle de montres aujourd'hui. Alors vous me dites, qu'est-ce qu'il a à nous parler de montres dans du numérique? Eh ben allons, réfléchissez un petit peu. Bien sûr, il y a les montres connectées. Vous connaissez très certainement, hein. Je suis parti dans un truc là, je sais plus ce que je dis. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de montres dans du numérique? Eh bien tout simplement, puisque de plus en plus de montres connectées sont développées par les différentes marques. Et je voulais aujourd'hui vous parler du Huawei qui a présenté ce jeudi la Watch GT 2 Pro. Donc la deuxième, hein. La deuxième est Pro. Alors, une montre haut de gamme, voilà. Elle reprend en partie le nom de la Watch GT 2 sortie il y a un an, mais innove néanmoins quand même sur plusieurs aspects. Alors, le design de la montre est très sobre, voilà. Je l'avais déjà pu le comprendre avec quelques fuites qui étaient sorties sur les réseaux sociaux. Donc un design très sobre avec une fine lunette autour de l'écran, quelques traits espacés toutes les 5 minutes, rien de plus pour les heures. La montre utilise également des matériaux considérés comme haut de gamme. L'écran est protégé par du verre saphir, le boîtier est en titane et le dos en céramique. Pour le bracelet, eh bien, deux matériaux sont proposés, du plastique et du cuir. Sachez qu'il n'y a pas d'autre coloris que celui proposé par défaut. Voilà. Alors, première montre Huawei avec recharge par induction. Vous savez, c'est le système qui nous permet de recharger notre téléphone ou notre montre, en l'occurrence, sans avoir à brancher, tout simplement en posant sur un support qui va nous recharger. Une autonomie estimée, parce qu'on est tout de même, qu'on parle quand même de la batterie, est de 30 heures avec le GPS activé et 24 heures en lecteur de musique. Donc oui, il y aurait visiblement un haut-parleur où on peut gérer notre musique. Je n'ai pas les détails, hein, sur ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on a un tapis de charge QI. Ouais, c'est un peu... Là, c'est possible. On peut recharger sur un tapis de charge QI ou à l'aide d'un smartphone doté de la charge sans fil inversé. Donc, le même principe que la charge à induction, mais avec un autre téléphone qu'on va mettre à côté et qui va transférer son énergie du côté de notre montre si jamais notre téléphone est chargé, alors que notre montre n'a plus de batterie. C'est de quoi récupérer jusqu'à 10 heures d'autonomie en seulement 5 minutes de charge. C'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Alors, comme bien sûr les autres montres d'autres constructeurs et du Huawei, la montre est particulièrement optimisée pour le suivi de l'activité physique. Donc on a, bien sûr la détection du rythme cardiaque. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des mesures précises pour le golf, pour ceux qui aiment bien le golf. Plus de 100 presets pour des sports, hein. On peut noter le skateboard, la gymnastique, le vélo. Voilà, plus de 100 sports qui sont préinstallés et qui vous permettent d'avoir des données personnalisées en fonction du sport que vous faites. Elle affiche bien sûr les heures de lever et de coucher du soleil, hein, c'est quand même une montre, les phases de lune, et peut même envoyer des alertes de mauvais temps. Donc je vous l'ai dit, capteur de rythme cardiaque, c'est un TrueSync 4.0. Et petite chose en plus, détection du taux d'oxygénation du sang. Voilà, pour ceux qui veulent avoir encore plus de précision. La montre sera disponible dès le 5 octobre à 299 €. Oui, soit le prix d'un téléphone de bas de gamme, même milieu de gamme. Déjà bien performant, donc si vous avez les moyens. Et je rajoute que pour toute commande de la version sport entre le 16 septembre et le 4 octobre, Huawei offrira une paire d'écouteurs FreeBuds 3i, la version classique. Voilà, tout simplement. Et donc autre chose, la version classique avec bracelet en cuir sera disponible à la même date, au même prix, mais sans offre de précommande. Voilà pour ces actus du numérique qui reviennent dans une heure et on parlera d'un tout autre sujet cette fois. Alors, qu'est-ce qui arrive sur Radio Antigone? Ah bah oui, de la musique. Non mais je n'ai même pas préparé la musique suivante. Donc je vous ai annoncé le titre classique. On aura un nouveau titre actuel, c'est Ritual, Tiesto, Jonas Blues et Rita Ora, un bon trio pour bien se réveiller. Tout de suite, voici Radiohead avec Idotech sur Radio Antigone, votre radio à vif. la case du week-end en direct avec vous jusqu'à midi. We'll be right back. Idiotech, c'était Radiohead à l'instant sur Radio Antigone. C'est l'heure de votre éphéméride un petit peu en retard. L'éphéméride. Je suis là, excusez-moi, voilà, me voilà, petit problème technique. Votre éphéméride, nous sommes le dimanche 13 septembre 2020, le 250e jour de l'année. Nous fêtons aujourd'hui les aimés, voilà, et c'est la journée mondiale de la contre la septicémie. Une urgence, c'est une maladie qui concerne plus près de 30 millions de personnes. Sur la planète et cause qui causerait la mort de 6 à 9 millions de personnes chaque année. Le but est bien sûr de sensibiliser le grand public et les décideurs à ce problème majeur de santé publique et d'aider à la mise en plan en place d'un plan de recherche à la hauteur des enjeux indiqués juste avant. Ça s'est passé un 13 septembre. Que s'est-il passé un 13 septembre? Eh bien, tout d'abord, en 1515, François Ier a battu les Suisses à Marignan. Oui, oui, le jeune roi François Ier a battu les Suisses dans la plaine de Pau vers Marignan. Que peut-on dire d'autre? Eh bien, en 1968, l'Albanie a quitté le pacte de Varsovie suite à l'intervention soviétique Prague. L'Albanie qui a donc quitté officiellement le pacte de Varsovie créé en 1955. En 1993, toujours après septembre, signature des accords d'Oslo. Accord qui font suite à deux années de négociations ultra secrètes à Madrid et Oslo. Voilà pour votre éphéméride du 13 septembre. Un petit peu chaotique, hein, excusez-moi, je ferai mieux la semaine prochaine, un petit peu mieux préparé. Je m'en excuse. Il est 10h51, et bien je crois que c'est l'heure de la case des médias. Simon Jingle est là, oui. Peut-être, voilà, où est-il? Ah, il est là, la case des médias. Radio Antigone. La case des médias. Juste avant de vous écouter votre classique Sweet Dream, ça sera Eurythmique, je vous parle de The Voice. Oui, The Voice est de retour très prochainement. Et de retour également, il s'agit de Florent Pagny, le coach qui était là dans les premières saisons de The Voice, reviendra cette saison aux côtés de Amel Bent et de Marc Lavoine. Il sera accompagné de Vianney qui sera pour la première fois un des coachs de The Voice. Pas de date pour l'instant, on verra, ça sera en tout cas à découvrir pas avant le début de l'année 2021. Qu'est-ce que je souhaitais vous redire d'autre? Oui, vous parlez des magazines sportifs, du sport sur les chaînes du groupe TF1. Sachez que les chaînes du groupe TF1 diffuseront le championnat d'Europe féminin de handball 2020, le championnat du monde masculin de handball 2021, l'Euro 2020, la Ligue des Nations de football. Et bien sûr, les rendez-vous du dimanche seront toujours là avec Téléfoot, Automoto. Voilà, aucun changement du côté de ces magazines du dimanche, sauf que ce sera Jean-Pierre Gagic qui sera à la tête d'Automoto à partir de cette saison. Voilà pour vos actus des médias. Actus des médias plus développés sur Roland-Garros et le dispositif mis en place par France Télévisions dans un peu moins d'une heure aux alentours de 10h47. Voilà, vous aurez tous les détails sur ce qui est mis en place par France Télévisions. Alors, 10h53, voici un classique de Radio Antigone. Non, pas un classique de Radio Antigone, un classique de la musique même, tout simplement. Un classique de la musique internationale. Vous allez tous le reconnaître, hein. On écoute Jonas Blue tout à l'heure. Mais tout de suite, voici Eurythmics, Sweet Dreams sur Radio Antigone. Sweet dreams are made of this.

une suspicion de Covid qui s'est avérée négative. Il attend pour demain des mesures des autorités préfectorales de 3 territoires particulièrement sensibles, Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe. Pendant ce temps, AstraZeneca reprend ses tests pour un vaccin contre la Covid au Royaume-Uni. Les essais avaient été mis entre parenthèses mercredi après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un participant. Les autorités sanitaires ont finalement donné leur feu vert pour la reprise des essais. Une tribune parue ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, celle de 70 élus de gauche et écologistes qui demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G à intervenir en France au mois de septembre. Enfin en sport, la 14e étape du Tour de France entre Clermont et Lyon a été remportée hier par le Danois Krag Andersen. Primoz Roglic lui conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, 175 km entre Lyon et Grand Colombier dans l'Ain attendent les coureurs. Départ du Tour à 12h50. Merci à la rédaction pour ce flash et on retrouve tout de suite la rédaction encore une fois pour la météo. La météo de ce dimanche, 13 septembre, et ce sont des nouvelles bien ensoleillées. Journée estivale avec un soleil éclatant et un ciel bleu azur sur l'ensemble du pays. La tendance se confirme au fil des heures. Une après-midi toujours très ensoleillée, peu, voire pas de vent. Et surtout un mercure agréable. Le matin, 10 à 17 degrés pour les minimales, jusqu'à 28 degrés dans le Grand Est, 29 dans le centre Val-de-Loire, 30 degrés en Nouvelle-Aquitaine, 31 degrés en PACA et 32 degrés en Occitanie. Merci beaucoup à la rédaction pour cette météo. Prochain point sur l'actualité, sur la météo, c'est dans moins de 30 minutes à 11h30. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être avec nous dans votre case du week-end. J'espère que vous allez bien, que votre matinée se passe bien, que vous vous réveillez en douceur. Vous êtes peut-être réveillé déjà depuis quelques temps, hein, mais si vous venez de vous réveiller, j'espère que vous avez fait une bonne grasse matinée. Je vais continuer à vous réveiller avec le programme télé. Bon, là, on ira vite au soir, mais au moins vous saurez ce qui vous attend ce soir à la télévision. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre? Eh bien, on aura aujourd'hui l'économie, voilà. Avec une interview aujourd'hui, on parlera des multinationales au temps du Covid-19. Vous verrez que pour certaines, eh bien, au niveau financier, ça va plutôt bien, hein, malgré le Covid-19, même mieux que ça n'irait. Sans, on en parlera tout à l'heure avec un invité. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Eh bien, les actus du sport, ça sera en fin d'émission, aux alentours de 11h45. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis les actus des médias, nous parlerons de dispositifs de France Télévisions à l'occasion de Roland Garros, comme chaque année. Je vous détaillerai ce dispositif. Alors, ce n'est pas tout, puisque vous le savez, Radio Antigone et la case du week-end, c'est également de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Que je prenne mon petit papier. Alors, voilà. Ça y est, je l'ai. Alors, on va s'écouter Stuck in the Sound, Shoot. Je reprends mon petit papier qui me dit Amel Bent aussi. Voilà pour ce qui vous attend dans les prochaines minutes. Je repose mon petit papier. Il y a plein d'autres choses. Oui, Amel Bent. Eh ben oui, j'ai le patron de Radio Antigone là qui dit quoi? Amel Bent, on va diffuser Amel Bent sur Radio Antigone. Eh bien oui, désolé, je m'excuse. C'est le deuxième titre actuel de la case du week-end. Voilà, vous savez, je diffuse les titres diffusés actuellement sur les radios pour me faire plaisir aussi. Hein. Je me fais plaisir à lancer des bons titres qui sont diffusés actuellement, même si tous les autres titres de Radio Antigone sont bien, eh bien, il y a Amel Bent actuellement Donc je vais diffuser Amel Bent et il en faut pour tous les goûts. Voilà, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à certains. Je vous dis pas que ça me plaît, hein. Non, voilà, moi je prends au hasard sur ce qui est diffusé, hein. Je ne dis pas non plus que ça me plaît. Voilà, en tout cas, ça me plaît, ouais, bon, ça me plaît moyennement. On va dire que c'est aussi un classique de la playlist de Radio Antigone. Voici Alain Bachung. Oui, bah c'est un tout autre style. Oui, Alain Bachung, Vertige de l'amour. Bon, on y va. Allez, 11h07, bienvenue sur Radio Antigone. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquette carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis. Y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. Week-end de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Yeah. Stuck in the Sound, c'était Shoot Shoot à l'instant. Ah, sur Radio Antigone, excusez-moi, l'extrait musical est parti tout seul sur Radio Antigone, donc Shoot Shoot, Stuck in the Sound, et dans quelques minutes, nous écouterons Led Zeppelin. Voilà, voilà, mais ce n'est pas tout. J'étais en train de vous préparer l'extrait, oui, parce que j'ai oublié de préparer l'extrait. Un nouveau classique de la case du week-end. Vous le savez, on écoute régulièrement des classiques de la chanson internationale. Et je vous proposerai tout à l'heure Police. Ça va nous faire du bien, ça. Police avec Message in a Bottle, ça arrive juste avant la fin de cette émission. Ça sera le dernier classique du jour de la case du week-end. Tout de suite, voici le programme télé. Radio Antigone, le programme télé. Programme TV qui commence avec une diffusion d'un film sur TF1. Nous sommes un dimanche, bien sûr. La Ch'tite Famille est diffusée à partir de 21h05, suivi de rediffusion d'Esprit Criminel à partir de 23h10 sur France 2. Et ça, je voulais vous en parler un petit peu plus profondément. Le film Patagon's Paper de 2017, réalisé par Steven Spielberg. Alors, petit résumé du film que vous propose France 2 ce soir. Nous sommes en 1966, dans la province de Hoa Nghia, au Vietnam. Et Daniel Ellsberg, intégré aux troupes américaines, est observateur du conflit sur le terrain pour l'ambassade des États-Unis. Constatant que plusieurs présidents américains ont menti sur la situation du pays au Vietnam, Ellsberg décide de faire sortir clandestinement des dossiers confidentiels du département de la Défense, et en 1971 à Washington, Craig Graham, à la tête du Washington Post, tente de pérenniser la vie du journal en difficulté financière, vous l'aurez compris, publication de ces documents ou non, à voir dans ce film Patagon's Paper, c'est à 21h10 sur France 2. Sur France 3, inédit, les enquêtes de Murdoch, l'épisode du jour est nommé Jeunesse éternelle, c'est suivi d'une rediffusion de l'épisode de Surprise en Surprise. Sur Canal+, on est sur du direct, là, avec un match de le rugby, la deuxième journée du top 14 de rugby, Toulon contre Lyon à partir de 21h05. Sur France 5, c'est inédit également. Le magazine Au cœur de nos montagnes, c'est rapide, ça ne dure que 55 minutes et c'est à 21h50. Autre programme inédit sur France 5 ce soir, documentaire consacré à Marie-Antoinette, Les derniers secrets d'une reine, c'est à 22h40. Sur M6, Zone Interdite nous propose aujourd'hui de découvrir la rentrée sous tension et comment les Français vont s'en sortir. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Eh bien, un autre film sur Arte, Diamant sur canapé, c'est à partir de 20h55. On continue encore avec les films et W9 qui vous propose le film Colombiana. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Rambob Ina sur la chaîne parlementaire, le canal 13 de la TNT, qui vous propose de parler aujourd'hui du marketing politique. Sur ces stars, diffusion de la série Chicago Fire et un programme inédit sur TF1 série film The Handmaid's Tale, la servante écarlate, avec plusieurs épisodes inédits tout au long de la soirée. Et l'équipe vous propose pour terminer de vivre en commentaire audio le match PSG-Marseille de Ligue 1, bien sûr, au cœur de la grande soirée de la chaîne L'Équipe. C'est en direct et suivi de l'équipe du soir à 22h50 également en direct. Voilà pour votre programme TV du jour. Aujourd'hui, l'économie arrive dans quelques instants sur Radio Antigone et nous parlons de la situation financière des multinationales autant du Covid-19. Tout de suite, voici Amel Bent et Imen S. Je vais y arriver, je vais reprendre mon souffle. Voici Amel Bent et Imen S. Jusqu'au bout sur Radio Antigone. C'est le titre actuel du jour. On m'a dit des phrases toutes faites, tant de choses et leur contraire, mais je n'ai pas Amel Bent et Imen Is avec Jusqu'au bout à l'instant sur Radio Antigone. Dans les prochaines minutes, Led Zeppelin. If there's a button in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are. Mais pour l'instant, voici aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, l'économie qui vous parle avec David Bachet de la crise du coronavirus qui a surtout profité aux actionnaires. C'est ce qu'estime en tout cas un rapport publié ce jeudi par l'ONG Oxfam, qu'elles aient réalisé des bénéfices importants ou qu'elles aient elles-mêmes subi des pertes en raison de la crise sanitaire. Les multinationales ont cette année fait le choix de verser des dividendes plus importants que jamais à leurs actionnaires. Les salariés sont les grands perdants. Ainsi que les entreprises elles-mêmes dont les activités sont parfois directement menacées par cette stratégie de court terme. Quentin Parieno est en charge des questions de justice fiscale et d'inégalité chez Oxfam France qui a donc publié ce rapport et il est au micro de David Bachet. On montre que 32 entreprises devraient faire environ 109 milliards de dollars de bénéfices exceptionnels par rapport à leur performance ces dernières années. C'est essentiellement des entreprises américaines, donc on retrouve les GAFAM, mais aussi des entreprises comme Walmart, Nestlé, Merck ou Procter & Gamble. Et alors, qu'en ont-ils fait ces groupes de leurs bénéfices exceptionnels? Est-ce qu'ils les ont réinvestis dans leur activité? Non, la majorité de ces bénéfices exceptionnels devraient être reversés à leurs actionnaires. On estime qu'ils devraient reverser environ 90% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Et cette politique, elle n'est pas anodine, elle exacerbe les inégalités, elle permet notamment d'alimenter la fortune des riches milliardaires. On a calculé dans le rapport qu'il y a 25 milliardaires les plus riches au monde qui ont vu leur richesse augmenter de 255 milliards de dollars pendant la crise. Pour vous donner un exemple très précis, Jeff Bezos pourrait, avec les bénéfices qu'il a réalisés seulement pendant la crise, verser une prime de 105 000 dollars à l'ensemble de ses employés d'Amazon, il y a environ 875 000 employés, et être toujours aussi riche qu'il l'était avant la pandémie du coronavirus. Au final, c'est un modèle économique qui n'est pas durable, puisqu'on privilégie le court-termisme. Ces entreprises, elles privilégient la redistribution de leurs bénéfices aux actionnaires au détriment d'un investissement dans le long terme, d'un meilleur partage des richesses avec les salariés et d'une transformation de leur modèle économique pour s'adapter finalement aux limites planétaires et faire face au changement climatique. Votre rapport met aussi en lumière un autre phénomène, des entreprises qui ont eu quant à elles des résultats en berne à cause du coronavirus décident quand même de reverser d'importants dividendes à leurs actionnaires, des dividendes largement supérieurs même à leurs bénéfices et qui sont donc versés à perte. Oui, c'est finalement l'autre côté de ce qu'on appelle une économie à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté une poignée d'entreprises qui réalisent des bénéfices exceptionnels et de l'autre côté des entreprises qui, pour rester compétitives, versent des dividendes coûte que coûte à leurs actionnaires malgré des résultats en berne. Donc il y a des entreprises françaises, mais pas que, des entreprises européennes, indiennes, brésiliennes, sud-africaines. Et très souvent, on a plein de cas où ces entreprises, elles vont piocher dans leurs réserves, entamer leurs réserves pour pouvoir maintenir des dividendes à leurs actionnaires. On a notamment le cas de Toyota, entreprise japonaise qui a distribué 200% de ses bénéfices réalisés pendant la crise. BASF, qui est une entreprise allemande, qui a distribué 400% de ses bénéfices. C'est un phénomène qui est mondial finalement, c'est pas simplement un phénomène qui existe en France. Cette politique, elle ne l'amène pas seulement pendant la crise, c'est une politique de longue durée de placer l'intérêt de l'actionnaire avant celui de la société. On avait montré en juin dernier dans un rapport publié en France qu'il y avait un quart des entreprises du CAC 40 qui versaient plus de dividendes qu'elles n'avaient fait de bénéfices ces 10 dernières années. Donc ça veut dire que ces entreprises, elles puisent dans leurs réserves pour payer leurs actionnaires et ça se fait au détriment d'un meilleur partage des richesses, ça se fait au détriment d'un investissement notamment pour transformer le modèle économique des entreprises pour faire face au changement climatique. Et c'est évidemment pas simplement un mal français, ça existe partout. On a notamment documenté dans le rapport l'exemple de trois grands groupes privés hospitaliers en Afrique du Sud qui, dans les quatre années avant la crise, ont versé 163% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Pendant la crise, ces hôpitaux privés, ils n'avaient pas assez de moyens pour payer des fournitures médicales à leur staff. Donc c'est une vision très court-termiste de l'économie qui, finalement, menace même la viabilité de l'entreprise sur le long terme. Du coup, face à ces pratiques, qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse d'urgence et une réponse de long terme. La réponse d'urgence, c'est de conditionner l'ensemble des aides publiques aux entreprises dans le cadre du plan de relance, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire redémarrer l'économie comme avant. Il faut tirer les leçons de la crise de 2008 et conditionner les aides aux entreprises pour qu'elles en profitent pour transformer leur modèle économique, pour qu'elles en profitent pour réduire les écarts de salaire, rémunérer les salariés à leur juste valeur. Donc ça, c'est la réponse du court terme. La réponse de long terme, c'est la réforme en profondeur de ce modèle économique. Arrêter de mettre l'actionnaire avant la société, parce que ça a des conséquences graves sur l'environnement, ça a des conséquences graves sur les inégalités. Ce constat, Oxfam n'est pas la seule organisation à le faire. Il y a par exemple la Commission européenne qui a publié un rapport le mois dernier qui s'alarmait du court-termisme économique et qui disait, au cours des 25 dernières années, les entreprises européennes ont multiplié par 4 la part de leurs revenus dédiés aux actionnaires. Et c'est un problème pour la viabilité des entreprises. Donc la Commission européenne appelle elle aussi à réformer le modèle économique des entreprises et à arrêter avec le court-termisme économique. Aujourd'hui, l'économie sur Radio Antigone. Nous étions avec David Bachet, qui recevait aujourd'hui Quentin Parilleno, qui en charge des questions de justice fiscale et l'inégalité chez Oxfam France, qui nous a donc parlé de ce rapport qu'a rendu l'ONG concernant les bénéfices des multinationales au temps du Covid-19. Voici les Zeppelines dans quelques minutes. Nous faisons un point sur toute l'info de ce dimanche, ainsi que sur la météo et les attitudes numériques, arrive dans une quinzaine de minutes, mais un peu moins. Avec nous dans la case du week-end de Radio Antigone. Nous sommes ensemble depuis 10h et jusqu'à midi avec un instant Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Il est 11h30. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. L'heure, comme tous les jours et comme toutes les 30 minutes, de faire un nouveau point sur l'actualité avec notre rédaction, bien sûr. Bonjour à tous, une rentrée en demi-teinte, celle des Gilets jaunes. Ils étaient 6000 en tout à défiler à travers le pays hier, dont 2500 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. L'Intérieur qui a annoncé également le placement en garde à vue hier soir de 147 personnes. Tandis que de son côté, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui a tenté de rejoindre le mouvement parisien, a dû être exfiltré après avoir été pris à partie par des manifestants. On lui reproche sa prise de position contre l'un des leaders du mouvement, Jérôme Rodriguez, qui avait avait qualifié la police nationale de nazie. Un cap a été franchi hier, celui des 10 000 nouveaux cas positifs à la Covid-19 en l'espace de 24 heures en France. Un chiffre qui s'accompagne d'une augmentation du nombre d'admissions en réanimation. Rappelons que 42 départements sont classés en zone rouge dite de circulation active du virus. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Jean Castex est sorti de son isolement hier après une suspicion de Covid qui s'est avérée négative. Il attend pour demain des mesures des autorités préfectorales de 3 territoires particulièrement sensibles, Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe. Pendant ce temps, AstraZeneca reprend ses tests pour un vaccin contre la Covid au Royaume-Uni. Les essais avaient été mis entre parenthèses mercredi après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un participant. Les autorités sanitaires ont finalement donné leur feu vert pour la reprise des essais. Une tribune parue ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, celle de 70 élus de gauche et écologistes qui demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G à intervenir en France au mois de septembre. Enfin en sport, la 14e étape du Tour de France entre Clermont et Lyon a été remportée hier par le Danois Krag Andersen. Primoz Roglic lui conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, 175 km entre Lyon et Grand Colombier dans l'Ain attendent les coureurs. Départ du Tour à 12h50. Merci beaucoup à la rédaction. On passe à la météo. La météo de ce dimanche 13 septembre et ce sont des nouvelles bien ensoleillées. Journée estivale avec un soleil éclatant et un ciel bleu azur sur l'ensemble du pays. La tendance se confirme au fil des heures. Une après-midi toujours très ensoleillée, peu, voire pas de vent. Et surtout un mercure agréable le matin, 10 à 17 degrés pour les minimales. Jusqu'à 28 degrés dans le Grand Est, 29 dans le centre Val-de-Loire, 30 degrés en Nouvelle-Aquitaine, 31 degrés en PACA et 32 degrés en Occitanie. Merci beaucoup la rédaction pour cette météo. La case du week-end continue, on a encore 30 minutes à passer ensemble. Allez, allez, bon réveil à tous. Radio Antigone, tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bon, quand je dis bon réveil, hein, vous l'aurez compris, c'est pour ceux qui ont fait une grasse matinée. Voilà, voilà. Non. Bien sûr, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà levés. Bon, bonne matinée à tous. Hein. Vous allez peut-être manger dans 30 minutes ou dans une heure, je ne sais pas, hein, si vous mangez à midi pile ou autre. En tout cas, eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. C'est la deuxième de la case des week-ends. Deuxième émission, hein, deuxième de la première saison de la case des week-ends. Je suis très heureux d'être avec vous. Voilà, nous sommes ensemble pour 2 heures... Pendant normalement toute l'année sauf peut-être quelques émissions, quelques week-ends qui seront coupés à certains moments et notamment les vacances. Et surtout, on verra, hein, on s'organisera. En tout cas, j'essaierai d'être là le plus souvent possible. Ils sont là également, c'est les Red Hot Chili Peppers avec Californication. Voilà, hein. Toujours pas d'accent anglais dans les parages du côté de chez moi. Voilà, il faudra que j'aille en Angleterre pour essayer de m'en acheter un. Je crois que ça coûte cher, donc je verrai, je me débrouillerai. Et puis je vous l'ai promis, je vous l'ai promis que je retrouve l'extrait. Eh bien, on aura le classique de la case du week-end. Un classique avec Message in a Bottle, c'est Police. If there's a bottle in your head, don't be alone there. Bref, que de la bonne musique, des bons programmes aussi avec les actus des médias et le dispositif de France Télévisions à l'occasion de Roland Garros. Et je vous parlerai du numérique avec les actus du numérique, la deuxième partie, avec des bons plans. Donc restez bien là, des bons plans, et on parlera un tout petit peu de la PS5. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Voici Rem avec Losing My Religion sur Radio Antigone, les actus du numérique juste après. I set it up. sur Radio Antigone et le jingle qui se lance tout seul, mais ce n'est rien. Vous venez d'écouter les Red Hot Chili Peppers. Non, qu'est-ce que je dis? Non, ça c'est après. On vient d'écouter Rem avec Losing My Religion sur Radio Antigone. Et ça, ça arrive dans quelques instants, les Red Hot Chili Peppers avec Californication dans les prochaines minutes. Radio Antigone. Les actus du numérique. Cette fois, le jingle peut partir. Restez bien jusqu'à la fin des actus du numérique, puisque je vous propose de bons plans ce soir. Mais tout d'abord, je vous parle de Sony. Oui, Sony qui va très prochainement sortir la nouvelle console PlayStation, la PS5, la PlayStation 5, cinquième modèle de la lignée des PlayStation. Alors ça arrive, hein, petit à petit, ça a été un petit peu perturbé par le Covid-19. Dernièrement, on a eu quelques spoilers du prix et de la date de sortie, mais rien de vraiment officiel. Mais on arrive vraiment à la fin, on est à quelques semaines du lancement de ces consoles de nouvelle génération. Microsoft a terminé cette semaine de dévoiler le prix et la date de la sortie de la Xbox Series X, mais a également présenté la Xbox Series S et a renforcé son Xbox Game Pass avec l'offre du développeur EA avec EA Play. Maintenant, on attend donc la réponse de Sony, et bien on sait désormais quand elle aura lieu, on sait désormais quand nous allons apprendre le prix, mais surtout la date de sortie de la console. Eh bien, ça sera le mercredi 16 septembre à 22h heure de Paris. Voilà, conférence que vous pourrez suivre sur le site de PlayStation, playstation.com. Voilà, rendez-vous donc dès le 16 septembre à 22h. Nouvelle console dont je vous avais parlé dans les actus numériques de la case du soir avec une chronique assez complète sur toutes les nouveautés de la console que je vous propose de redécouvrir en podcast. Je vous reparlerai, hein. J'essaierai de retrouver le jour pour que vous retrouviez le podcast très simplement. Je vous mettrai tout ça sur les réseaux sociaux, le lien du replay des actus du numérique où je vous faisais une présentation bien importante de la PS5 de Sony. Alors, que faut-il attendre de cet événement? Eh bien, Sony nous indique qu'il s'agit d'un événement de 40 minutes seulement qui nous permettra de découvrir un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS4 au lancement et plus tard. Il sera entre autres question des jeux développés en interne, mais aussi des éditeurs tiers. Voilà, alors bien entendu, ce qui est le plus attendu, c'est l'éventuelle annonce du prix de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition, puisque oui, pour la première fois, il y aura une PlayStation qui n'aura plus de lecteur CD, qui vous permettra d'acheter vos jeux exclusivement sur la console, en ligne, plus de CD à mettre. C'est pour ça qu'elle coûtera peut-être moins cher ou plus cher en fonction de leur politique, hein. Est-ce que le fait de ne plus avoir de CD et de faire tout directement depuis leur serveur va coûter plus cher? On verra ça. Cette conférence nous permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur les nouveaux services et le système d'exploitation qui accompagnera la nouvelle PS5. Voilà pour cette conférence. Voici deux bons plans, avec tout d'abord un forfait mobile, Auchan mobile. Vous allez me dire, ouais, Auchan. Oui, bon, bah Auchan, ça peut quand même être bien. Surtout que là, Auchan vous propose un forfait mobile à 4,99€. SMS, MMS illimité. Et attention, cerise sur le gâteau, 60Go en 4G. Oui, 60Go en 4G pour seulement 4,99€ par mois pendant 6 mois, et après le forfait passe à 14,99€. Voilà, tout simplement, hein, c'est une offre sans engagement, donc vous pouvez résilier au bout de 6 mois, une série limitée, pas de date pour l'instant de la fin cette offre. Mais sachez que jusqu'au 20 septembre, Auchan Télécom propose également deux autres forfaits sans un prix qui augmente au bout d'une certaine durée. L'un, c'est 50Go à 10,99€ par mois, ce qui est un forfait assez intéressant, même par rapport aux autres opérateurs. L'autre forfait que vous propose également Auchan Télécom, c'est 20Go à 9€ par mois. Bon, là, c'est un peu moins intéressant, effectivement, hein, si on compare proportionnellement au forfait précédents. Voilà ce que je pouvais vous dire. Quelques précisions concernant le forfait dont je vous ai parlé au tout début, les 60 gigas pour 4,99€ par mois pendant 6 mois. 3 heures maximum par appel dans ce forfait, même si les appels sont illimités. Et limite de 129 destinataires. Voilà. Sachez que vous pouvez quand même appeler depuis l'UE et les DOM-TOM avec limite de 99 destinataires. Donc autant dire que si vous appelez beaucoup de monde, ce n'est pas forcément intéressant. Mais si vous utilisez surtout Internet et passez quelques appels, le forfait peut être assez intéressant. Je passe sur les ordinateurs cette fois pour ceux qui sont plus l'utilisation gaming ou tout simplement bureautique et qui veulent un disque dur assez puissant. Sachez que SanDisk vous propose sur sa boutique Amazon une réduction sur le disque dur SSD interne. Le disque dur de 480 Go est au prix de 51,99€ au lieu de 66,99€, soit tout de même 15,22% de réduction. Pour information, hein, c'est donc un disque dur SATA à 6,6 gigabits par seconde au niveau du transfert. Voilà, un disque dur assez performant, de la qualité, la base. Voilà, du SanDisk. Bref, vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez accélérer un petit peu le démarrage de votre ordinateur et avoir un petit peu plus de stockage sur celui-ci. Alors, quelle heure est-il ? Eh bien, il est 11h46. Les actus des médias arrivent dans les prochaines minutes. Je vous parle du dispositif de France Télévisions pour Roland Garros. On parlera aussi sport. Voilà, tout ça dans 15 minutes. Ça va être assez juste, hein, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je suis toujours en retard, vous le savez. C'est ça qui fait ma beauté. Ouais, est-ce que j'ai de la beauté ? Je sais pas. Allez, en tout cas, c'est beau. Les Red Hot Chili Peppers, ça c'est beau. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Yeah. Red Hot Chili Peppers sur Radio Antigone avec Californication à l'instant. Dans une dizaine de minutes, vous allez retrouver Radio Antigone Midi et son radio journal afin de tout savoir sur l'actualité. Mais pour l'heure, la case du week-end continue pendant encore 8 minutes avec le sport. Peut-être avec le sport tout de suite sur Radio Antigone. C'est là, c'est parfait. Voilà, enfin, le sport. Avec la Ligue 1 et la rencontre la plus attendue de l'année en Ligue 1, PSG-OM, ce soir 21h. Et la demande du PSG pour accueillir 18 000 personnes a été refusée. Le match sera donc limité à la jauge habituelle, 5 000 spectateurs. Le Tour de France avec cette étape 15 et un profil assez plat sur toute la première partie de l'étape, très plat pendant les deux tiers, et puis après on aura deux cols de première catégorie, la montée de la Selle de Fromentel, 11 km à 8,1%, une petite descente de d'une dizaine de kilomètres, et puis on remontera et on ira jusqu'à 1325 mètres d'altitude avec le col de la Biche, 6,9 km d'ascension à 8,9%, et on terminera avec une arrivée en haut d'un col hors catégorie, et oui, le Grand Colombier, 1501 mètres d'altitude, 17,4 km d'ascension, 7,1%. Ça va quand même être un peu long. Quels sont les coureurs à suivre aujourd'hui? Eh bien, il ne serait pas étonnant de voir des coureurs comme Miguel Angel Lopez, Mikel Landa ou même Richie Porte, et Primoz Roglic pourrait également passer à l'attaque afin de conforter son maillot avant l'enchaînement alpin de la troisième semaine. Nous passons pour terminer au championnat de France d'athlétisme, et une nouvelle victoire pour Renaud Lavillenie, François Laperche, qui a obtenu un 10e titre de champion de France en plein air. Ça se passait à Albi. Son frère Valentin Lavillenie n'est pas loin non plus. Qu'est-ce qu'on peut noter? Eh bien, on a d'autres choses, d'autres sports, bien sûr, en athlétisme. Dans un stade à moitié rempli, en raison bien sûr des restrictions liées au coronavirus, Quentin Bigot s'est imposé en marathon, et Jilali Bendrani a remporté le 3000 mètres steeple. Voilà. Sachez que ce n'est pas terminé, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, c'est à suivre sur l'équipe 21. Je ne sais même plus. Je ne sais pas bien. Je n'ai pas vérifié mes sources. Je ne sais plus s'il y a encore des championnats de France aujourd'hui. En tout cas, ça se passait à Albi. C'était à suivre sur la chaîne L'Équipe ou sur les réseaux sociaux de la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme. Quelle heure est-il? Eh bien, il est 11h54. Dans quelques instants, les actus des médias. Je vous parle encore de sport. Je vous parle du dispositif de France Télévisions concernant Roland-Garros. Roland-Garros qui n'est pas à la période habituelle, mais toujours un dispositif pour les chaînes de France Télévisions. Le classique de la case du week-end. Je vous le promets depuis tout à l'heure. Voici... Oui, on l'entend, c'est bon, j'ai cru que le son ne fonctionnait pas. Voici The Police avec Message in a Bottle sur Radio Antigone. I hope that song. Merci à tous d'être avec nous sur Radio Antigone. Je vais être obligé de couper un petit peu. Police, message in a bottle. Le classique de la case du week-end aujourd'hui. Je m'en excuse, je suis un peu juste au niveau du temps, mais c'est moi, c'est de ma faute, j'assume. Je m'en excuse, je vous promets de le passer en premier la semaine prochaine, dès samedi, dès 10h10 après le radio journal. The Police, message in a bottle, c'est calé, c'est acté, ça sera là. Donc soyez au rendez-vous, voilà, je vous promets, je rattrape mes erreurs. Radio Antigone. La case des médias. Elle est là, la case des médias, avant de retrouver le rendez-vous d'information de la mi-journée Radio Antigone Midi et son radio journal. Je vous parle, comme promis, de Roland-Garros. Et cette année, à cause de l'épidémie de Covid-19, le tournoi de tennis de Roland-Garros se déroulera du 27 septembre au 11 octobre. Cela n'empêche pas les chaînes du groupe France Télévisions de mettre en place une nouvelle fois un dispositif spécial pour l'occasion. On rappelle tout d'abord que cette édition 2020 marque une nouvelle étape dans l'histoire du tournoi avec l'installation d'un toit rétractable sur le court Philippe Châtrier qui garantit la fin des matchs, quelles que soient les conditions météorologiques. Comme depuis quelques années, les passionnés du tennis vont pouvoir suivre l'intégralité des rencontres dès les qualifications, et ce à partir du 21 septembre sur la plateforme numérique France.tv et l'application France TV Sport grâce au dispositif multicours. Vous avez les réalisations de chaque cours. Voilà, comme d'habitude, tous les matchs seront là, seront pour la plupart après les phases de qualification à suivre sur les chaînes de France Télévisions. Au niveau magazine que l'on a sur les chaînes de France Télévisions, tous les soirs à 20h45 à partir du 28 septembre, eh bien, tout le sport qui sera présenté par Marie, ma mère, suivi du journal de Roland-Garros. Stade 2 sera présenté par Mathieu Lartaud les dimanches du tournoi le 4 et le 11 octobre sur France 3 à partir de 20h05. Voilà ce que je peux vous dire. Et sachez que France Télévisions va assurer la couverture du court Philippe Châtrier en images 4K ultra haute définition pendant toute la quinzaine du tournoi, avec une définition améliorée et une palette de couleurs étendue et un son immersif. Voilà, France Télévisions au cœur de l'innovation. J'ai rétréci cette case des médias, mais vous savez, le principal concernant ce dispositif de France Télévisions. Radio Antigone, 10h, midi, la case du week-end. Et on approche de midi, vraiment, on approche de midi. Il est 11h59 et 30 secondes, l'heure pour moi de vous laisser et de vous donner rendez-vous samedi dès 10h, voilà, pour une nouvelle cave du week-end. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec une émission un peu plus, un peu mieux préparée, un peu mieux. Voilà, je vous le promets. Quant à moi, je vous laisse pour l'instant avec Radio Antigone Midi, toute l'actualité en 10 minutes avec le Radio Journal. Bonne soirée. Tous les podcasts de Radio Antigone Tours sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.